Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale, grande entrevue, un nouveau format pour l'entre-saison ce soir en studio, en direct, sur vidéo et oui aussi maintenant en balado-diffusion et en vidéo, nous avons avec moi Grégory Allé-Petitot. Grégory, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien. Globetrotter extraordinaire depuis des années. On peut te voir sur les réseaux sociaux voyager pour le soccer, voyager, essayer de comprendre le jeu, de comprendre comment ça marche. On va commencer un peu par le début. Parle-nous un peu de toi et comment tu as découvert l'amour du foot. Oh là là, grande question. Je suis né à Montréal, j'ai vécu mon enfance à Laval, dans les Laurentides, et j'ai commencé à taper du ballon dans le gymnase de gymnastique de mon père. Mon père était un entraîneur national en gymnastique artistique, mais moi j'étais un petit peu le fouteur de troubles, parce que j'arrivais avec mon ballon, je jouais un petit peu là où les gymnastes ne s'entraînaient pas, et okay. Là évidemment le ballon rebondissait là où il ne le fallait pas. Et c'est seulement à 13 ans où j'étais à l'école secondaire, il y avait mes amis qui jouaient compétitif. Dès lors, c'était le 3A, mais qui était sur les régions. C'était pas des clubs encore, c'était des régions. Et puis là, je regardais ça, j'ai dit, waouh, j'aimerais ça jouer à plus haut niveau. Et je crois que c'est là où j'ai eu la piqûre. J'ai essayé, évidemment, j'avais pas une très très bonne technique. J'avais pas non plus de bon coach. J'avais joué un petit peu à droite à gauche jusqu'à temps que je vois mes amis. Et là, je me suis donné des outils. J'allais taper aux bonnes portes pour aller prendre des cours. Donc là, c'est là que j'ai connu Zoran Janković, un ex-professionnel serbe. C'est lui qui m'a tout enseigné ma technique, si on veut. Et donc, j'ai misé en plein sur la technique. J'ai fait beaucoup de freestyle. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Rendu à U17, U18, j'ai plafonné, je me suis rendu compte que oui, c'était bien la technique avec quelques technicians, si on veut, des techniciens qui étaient avec moi. On s'amusait bien, on faisait du freestyle, on faisait tout ça, mais il manquait quelque chose à mon jeu. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Où est-ce que je peux aller voir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans le jeu? Et c'est un petit peu là où j'avais, disons, des préoccupations que pas nécessairement toute l'équipe avait, de se donner des moyens de performer, de se poser des questions, d'essayer d'organiser un peu plus l'équipe. Et là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je devais changer d'air un peu, si on veut. Je devais changer de contexte. Et là, c'est là où j'ai essayé de chercher un peu à droite, à gauche, commencé à voyager, peut-être 21, 22, 23 ans, découvert des nouvelles choses à l'étranger, parler plusieurs langues, ça m'a aidé beaucoup aussi. Donc, ça m'a aidé à avoir accès ou à être exposé à d'autres notions, probablement plus européenne ou sud-américaine surtout, qui m'ont donné le plus de réponses finalement. Donc quand j'arrivais dans le jeu, j'avais des questions qui étaient posées, mais là je commence à avoir des réponses. Donc c'est de là que ça vient un peu. Depuis des années que moi je couvre la MLS évidemment, la Ligue anglaise et tout, puis et le développement aussi au Canada est quelque chose qui me fascine. Puis je pense qu'on va en parler plus tard parce que on est en retard. On est un 20, 30, je dirais pas peut-être 50 ans en retard en arrière des grandes nations du foot. Mais parlons un peu de ton parcours, je dirais, académique avec le foot. On parlait en dehors des zones, on a commencé au Brésil, lorsque tu étais à l'université au Brésil pour le foot. Et ça me fascine un peu. Quel est le contexte? D'où vient cette académie de foot? Comment ça a été créé chez eux? Je crois que c'est des questions qu'eux se posent de leur côté. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des réponses qui ne seraient pas trop pratiques ou trop... sans vouloir jeter la pierre un peu aux émissions tactiques de hockey ou de soccer, qui trouvent des concepts un peu plus avancés que ce dont on parlerait à la télé. Donc, plutôt que de parler si un joueur a fait bien ou mal, d'essayer de trouver des concepts qui sont plus globaux, qui expliquent plus en profondeur l'interaction, par exemple, avec un joueur, entre un joueur et le jeu. Et ça, ce sont des questions qui se posent depuis très, très longtemps. Et le Brésil, étant donné que c'est quelque chose de très pratique, le foot qu'ils pratiquent, eux, c'est très feeling. Ils y vont par le sentiment. Alors, on sent qu'on a l'avantage, on sent que ça va bien, tu as la cohésion. Il n'y a pas d'explication. Donc, quand ça va bien, mais quand ça va mal, ils n'ont pas de réponse. Et là, je crois qu'ils ont un peu tiré ce que les Portugais, en parlant portugais, ce que les Portugais ont trouvé comme réponse. Et là, eux, ils ont commencé à développer plein de contenus académiques. Donc ça, c'est la partie qu'eux, ils ont développé dans les dernières années, je te dirais au moins 10-15 ans. Ils travaillent très, très fort là-dedans. Et ça fait à peu près, je te dirais, 6 ans que là, il y a un boom. Il y a un centre entre Rio et Belo Horizonte au Brésil, donc dans le sud-est du pays. Et là, eux autres, ils ont fait un peu le pôle universitaire du soccer. Ils se sont posé des questions. Et par hasard, en fait, moi, mon parrain, il est de Verdun. Il est né à Verdun, il a grandi à Verdun. Et puis, il avait pris sa retraite au Brésil. Il avait marié une Brésilienne, pris sa retraite là-bas. Et puis là, il m'a dit, viens me visiter. Ce que j'ai fait. Et par chance, finalement, j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce réseau-là, à force de poser des questions, etc. Donc, j'ai fait 2 voyages, un en 2009 et un autre en 2011. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Jusqu'à ce qu'en 2013, là, j'ai été invité finalement à étudier avec le professeur dont je parle à Viçosa, qui est la ville où ils ont fait le pôle un peu d'investigation au soccer. Donc, il m'a dit, viens étudier avec nous, viens apporter ce que tu connais, des technologies, et puis là, on va te donner un sujet. Et puis là, finalement, j'ai découvert une panoplie de choses que je ne connaissais pas, la cognition, la psychologie, le comportement tactique. C'est tous des mots dont on va parler tout à l'heure, mais ce sont des mots clés qui finalement ont forgé un peu le contenu actuel de ma connaissance sur le soccer. Bon, mais parlons-en un peu maintenant, Grégory. On parle de cognition, on parle de moments de réaction aussi, des choses que des fois qu'on oublie. C'est pas juste bon pour le soccer, c'est bon pour tous les sports professionnels. Justement, je regardais Georges St-Pierre se préparer pour son combat la fin de semaine dernière, et il y a un de ses exercices qu'il fait durant son entraînement, c'est pratiquer ses temps de réflexe avec, je me rappelle plus du nom de la machine, mais on dirait comme un genre de losange triangle sur un mur avec des lumières. Faut quasiment prédire la prochaine lumière selon une reconnaissance de mouvements préétablis. Mais lorsqu'on parle de foot, lorsqu'on parle de cognition, de pousser la compréhension du jeu un peu plus loin, de savoir pourquoi qu'on met le pied gauche qui pointe vers tel angle quand on voit le ballon arriver d'une telle façon, comment tu peux nous expliquer un peu comment qu'on analyse un peu, comment qu'on dissecte une partie du jeu qu'on choisit de disséquer? C'est effectivement très, très complexe. Je vais essayer de le séparer en deux parties. Tu as la partie du corps et tu as la partie cerveau un peu. Ce qu'on dit de la partie du corps, c'est l'habileté motrice, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de se tenir en équilibre, de réaliser des mouvements qui nous sortent de notre équilibre, mais quand même de rester sur nos pieds finalement. Manipuler, que ce soit un ballon avec nos mains, un moineau avec une raquette ou un ballon avec nos pieds, bien, ce sont des habiletés motrices, donc c'est un équilibre, bouger, rester sur les pieds. Donc ça, c'est une habileté qui est très très importante finalement, effectivement, parce que quand on joue, bien, on bouge, tu sais. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on produise, c'est ce qu'il faut qu'on pratique. Par contre, tu as toutes d'autres habiletés qui sont cognitives. Et là, ça se passe dans le cerveau. Ce sont plus des habiletés qui sont capables, par exemple, je dis des noms comme vision périphérique. Je dis des noms comme anticipation. Qu'est-ce que l'anticipation implique? Ça implique plein de choses. Ça implique le fait de voir rapidement, reconnaître des choses qu'on a déjà vues auparavant, estimer ou évaluer que c'est pour quelque chose est pour se passer ou non, estimer est-ce que je suis capable de réaliser le mouvement moteur ou non. Donc juste le fait d'anticiper engendre plein de choses et ça demande une cognition qui est en une fraction de seconde très évoluée. Et c'est ça que quand on parle de cognition, comment est-ce que celle-ci est utilisée dans le contexte spécifique d'un match de soccer alors que tout bouge en même temps? T'es sous l'effet de la fatigue, t'es sous l'effet d'un enjeu parce qu'évidemment tu veux gagner. Et si tu perds ou si tu gagnes, il se passe quelque chose, t'as une récompense ou un échec ou il y a des conséquences. Et donc tout ça influe sur la cognition. La cognition est un petit peu une composante, si tu veux, qui est de plus en plus étudiée de manière scientifique. Mais avant, on disait on va l'étudier hors de son contexte, et de plus en plus on l'étudie à l'intérieur du contexte. Et c'est ça qui fait une différence, parce que tu as des grands académiciens, tu as des grands si tu veux, chercheurs, comme je nomme un nom comme ça, Marcus Raab, qui est un Allemand à l'université de Köln, Cologne, et lui a trouvé justement que l'intelligence dans la prise de décision, oui, elle a un facteur cognitif, mais il faut l'étudier en match. Parce que si tu dis j'étudie ma cognition alors qu'on joue par exemple à FIFA 2018 ou on regarde un match, oui, peut-être qu'on a intelligence, peut-être qu'on a une bonne cognition, sauf qu'elle n'est pas représentative de quand on joue. Alors nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que la cognition marche quand on joue pour être le plus spécifique et le plus représentatif possible. tout ça, dans le fond, est bâti pour créer de meilleurs joueurs, pour créer de meilleurs jeux, pour créer pour pousser les avances du sport en tant que tel, je pense. Mais quand on regarde, mettons un joueur qui nous écoute, ou mettons qu'on a un jeune joueur qui nous écoute, quelle est la... c'est facile de dire, la plus grande erreur qu'on fait, mais quel est le concept qu'on comprend carrément à l'envers? Est-ce qu'il y a un concept que tous les jours, quand tu vois les jeunes, quand tu vois que tu poses la question, pourquoi ils réagissent d'une telle manière quand avec les études que tu as fait, avec ce que tu es capable de savoir et de reconnaître, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Je pense que le problème vient pas des joueurs. Je pense que le problème vient de... c'est pas pour blâmer les entraîneurs. Je pense que c'est plus une école ou une façon de penser, une mentalité populaire qui fait que nos entraîneurs traitent, voient ou pratiquent le jeu comme on le fait actuellement. Je pense que c'est une des grosses lacunes. Tantôt, on disait quelle est la lacune de notre développement. C'est ça. Ça vient pas du joueur. Le joueur... il va vouloir jouer de toute façon. Il va réagir à son contexte. Il va dire, je veux marquer un but, je veux prendre le ballon ou je veux faire des passes. Il va réagir à ce qui se passe dans son environnement. Par contre, il faut le placer dans le bon environnement. Et c'est là que c'est la grande question. Pourquoi les grands Brésiliens, par exemple, ils sont aussi bons? Deux explications très, très simples. On n'a même pas besoin d'aller chercher dans les grands écrits. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils doivent se battre pour survivre. Ça, c'est promis. Et le deuxièmement, c'est que ils ont des variantes absolument incroyables qui embed en anglais, inclut juste par le fait de jouer ce jeu-là, ça inclut tout le reste. Et donc, tu as des fois du 2 contre 2, 3 contre 3, des fois c'est juste du 1 contre 1, de shooter des balles. C'est un mur, des fois. Le jeune avec un mur, puis du tape qui fait un but, puis ouais, absolument. Exactement. Et donc, le jeune se développe avec toute cette variabilité-là. Et on n'a jamais dit le Brésil va être bon parce qu'il va jouer ces jeux-là. Il n'y a jamais aucun architecte ou quelqu'un qui vient de la matrice, mettons pour une expression, pour dire on va faire que les Brésiliens jouent. Non, ils ont inventé ça et ça fait en sorte qu'ils sont aussi créatifs. Nous, on est dans un moule, si tu veux, où on fait des exercices qu'on appelle drills en anglais et ce n'est pas très représentatif du jeu. Ça me rend fou. Comment un compte peut être représentatif de le défenseur qui joue? Depuis tantôt, tu as dit le contexte est important et tu mentionnais le contexte en tant que jeu. Depuis tantôt, j'ai juste ça en tête. Là. C'est on pratique jamais le jeu, quasiment. C'est comme si on laissait le jeu en tant que bonbon. On dit, OK, là, vous pouvez jouer les 10 dernières minutes de la pratique, puis c'est le bonbon. C'est le contraire. Les 10 dernières minutes devraient être pratiquées à être capable. Je fais un exemple qui est grossier un peu, mais c'est pour illustrer l'aspect. Mais une chose qui me fascine aussi, c'est pas juste le fait qu'on pratique pour pratiquer, mais dans le fond, il faudrait jouer. Juste pas se poser de questions. Le joueur ne devrait pas se poser de questions. Exactement. L'entraîneur choisit le contexte pour créer l'environnement auquel, je dirais, pour créer une réponse du joueur auquel elle est contrôlée. Mm-hmm. Si je comprends un peu ce que tu dis depuis tantôt, on va faire un exemple grossier. Je sais que mon joueur réagit très bien lorsque le ballon s'en vient vers sa droite. Mm-hmm. J'utilise sa force. Je sais que mon attaquant, exemple, réagit très bien. Mais je bâtis mon milieu en conséquence de créer le contexte, avoir le ballon se diriger vers la droite pour mon attaquant, pour le mettre en position d'utiliser son skill set, ses qualités, de manière de laquelle il est le plus à l'aise. T'as en deux points résumé absolument le contexte actuel qui est, on a l'impression finalement le jeu c'est un bonbon. J'aime beaucoup que tu dises ça parce qu'effectivement je l'avais jamais entendu, mais c'est extrêmement représentatif. C'est comme si il fallait qu'on mérite de jouer, alors que non, s'il faut qu'on se pratique à jouer, s'il faut être bon à jouer, il faut qu'on se pratique à jouer en jouant. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est que t'as parlé dans le fait de conditionner un peu le jeu pour faire en sorte que ton attaquant reçoive souvent le ballon par sa droite. On appelle ça du game design. On appelle ça manipuler les contraintes, manipuler à force d'essayer de moduler ou de moudre d'influencer, le jeu, dans le fond. Influencer le jeu en le manipulant. Par la lecture, évidemment, tu vas constater qu'il y a des choses qui se passent et donc tu vas bouger des choses, tu vas mettre des contraintes ou tu vas switcher deux joueurs, tu vas déplacer deux joueurs. Ça a des répercussions. Et un entraîneur qui a un œil aiguisé va faire ça délibérément, va être capable de le voir et savoir pourquoi est-ce qu'il fait ces changements-là pour en arriver, par exemple, au résultat dont tu faisais, que tu utilisais en exemple. C'est pour que ton attaquant reçoive le ballon sur sa droite. Ce sont plein d'exemples qui peuvent être. C'est-à-dire, ça, c'est un exemple parmi plein d'autres auxquels on peut arriver. Par contre, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser les entraîneurs que les drills, c'est pas encore assez bon. Donc, il faut changer notre manière de voir. Oui, c'est pas que le drill est mauvais, on peut l'utiliser, faut savoir pourquoi. Par contre, pour que le jeune se développe à être bon dans le jeu, il faut qu'il joue. Et donc, finalement, on peut. Il y a plein d'écoles qui existent, comme mettons la méthode de. L'école du ballon. Ça, c'est une école qui a été rédigée, si tu veux, par des Portugais. Ils ont étudié comment est-ce que les Brésiliens jouaient dans la rue, puis ils ont fait l'école du ballon. Ils ont décrit quels sont les mécanismes dont on ne parle jamais. Finalement, ils les ont décrits par écrit. Ils ont découvert que cette variabilité-là mène les joueurs à être aussi bons. Par contre, ça ne vient pas d'aucun architecte, ça vient des jeunes eux-mêmes. Donc là, nous, notre challenge, c'est de dire, OK, ben les coachs, on est supposé de voir le jeu. C'est nous qui sommes supposés d'être capables de manipuler les variables du jeu. Il faut qu'on s'inspire de ça pour être capable de manipuler des jeux pour que les jeunes apprennent. Et pas seulement dire, ben, vous avez mérité de jouer 10 minutes. Déjà, 10 minutes, c'est rien. Ouais, c'est exactement. Renverser, comme tu as dit. C'est pas exagéré, là. C'est carrément ce que j'ai vu. J'ai pas une immense expérience en tant qu'entraîneur. J'ai entraîné une année. Okay. Okay, j'ai gagné le championnat, mais ça, c'est pas grave. J'ai entraîné une année et ça m'a incroyablement surpris à quel point que mes joueurs, on avait une pratique par semaine, un match par semaine. Mm-hmm. Mais moi, la pratique, c'était j'ai laissé jouer, puis une fois de temps en temps, je dis OK, mais là, on va essayer telle situation en place. J'ai regardé jouer, puis là, j'ai arrêté une seconde, puis je dis OK, non, on va juste changer un petit peu, change de position, on fait ça ici, oh, finalement, change d'équipe, une autre situation 4 contre 2 au lieu de 3 contre 3. Mais après, tu parles et tu poses pas trop de questions. Et ça m'a surpris à quel point que les jeunes, genre, ils appellent ça compartimentaliser. C'est un beau français, je sais, mais je dis par compartiment. Le joueur n'a pas besoin de savoir toujours le résultat de ce qu'il est demandé de faire. Exemple, on fait un drill. Le drill, c'est pas la fin du jeu. Le drill, c'est le début, puis il y a plus qu'un drill qui est intéressant. Si on veut créer un instinct envers le joueur, en faisant exemple avec les comptes qu'on parlait tantôt, mais il faut transitionner cette drill-là ou cet exercice vers un exercice de jeu et faire le joueur comprendre. Mais je pense que en tant qu'entraîneur, on essaie des fois de trop en dire aux joueurs, mm-hmm. quand c'est à nous de savoir, mm-hmm. et aux joueurs de le faire sans être expliqué pourquoi aussi. C'est cet instinct qu'on veut réaliser. C'est le joueur réagit d'une façon que l'entraîneur veut sans que le joueur se pose la question pourquoi il le fait. Mm-hmm. Il y a un mitoyen, si tu veux, entre les deux. C'est sûr que se poser des questions en tant que joueur, c'est bien. Se poser des questions dans le jeu, c'est pas nécessairement bien, mais de se poser des questions en général, pourquoi j'irai vers l'avant, pourquoi j'irai vers l'arrière, c'est quoi les phases de jeu, pourquoi je dois écarter, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Dans le jeu, ce qu'on veut éviter, c'est que le jeune bloque au moment où l'action est en train de se faire, ce qu'on appelle le réinvestissement, qu'il reçoit comme 4 conseils en même temps, puis là, il sait pas quoi faire parce qu'il est bloqué. Donc, on veut éviter ça. Donc, effectivement, comme tu dis, il faut pas qu'il se pose trop de questions dans le jeu au moment où ça se passe. Par contre, il faut qu'il s'en passe en général pour essayer de le comprendre, le jeu. Les Français ont une approche extrêmement holistique par rapport à ça parce qu'ils ont un parler facile, ils ont toujours la culture du discours et donc ils se régalent à force de parler du jeu. Ils pratiquent beaucoup, mais ils en parlent beaucoup. Ce qui fait que leur connaissance des deux côtés, la connaissance dans l'acte d'un côté, elle s'améliore, mais aussi la connaissance du jeu, la compréhension de la logique, quoi voir, pourquoi, ça se développe également beaucoup. Là où on a carrément des non-sens, c'est quand effectivement la compréhension est dite implicite, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, elle est dans le jeu, et finalement tout va bien parce que tu as fait la bonne action au bon moment, et ça a donné comme ça que tu fais souvent ça, ben, tu as une culture implicite qui est super, une compréhension implicite qui est super haute, par contre tu n'en parles pas beaucoup, alors évidemment, quand on essaie de t'en parler, tu ne connais pas les mots, tu ne sais pas à quoi un mot réfère, etc. Ça fait que jusqu'à 13-14 ans, tu es correct, mais lorsque la connaissance du jeu est plus importante pour terminer pour dans le fond briser ce plafond de verre qui fait la différence entre un joueur et un bon joueur, c'est ce que je comprends aussi quand tu parles, Grégory, c'est tu parles du niveau, dans le fond, de la capacité physique du joueur, la capacité mentale du joueur. Là, souvent, on parle des athlètes qui ont un pic, le sommet de leur performance, autour de la trentaine. Souvent, au soccer, c'est un petit peu plus jeune, mettons 25 ans environ, où est-ce que la connaissance du jeu va être assez haute que poursuivre le côté physique du joueur. Et en même temps, la connaissance et je dirais la sagesse d'un joueur vient complimenter les incapacités physiques. Lorsque j'étais sur ton site, on va parler bientôt de gameshaping.info et de tout ce que gameshaping est, il y a une quote, il y a une phrase de Johan Cruyff qui dit « Durant le jeu, si ça va mal, au lieu d'aller plus vite, je paraphrase un peu, au lieu d'aller plus vite, arrête 2 secondes, analyse, et ensuite vas-y. » À quel point un Johan Cruyff, une phrase comme ça, est importante dans l'esprit, comme tu parlais tantôt, de passer un message. Dans cette phrase-là, il y a un message facile à comprendre, mais aussi les résultats peuvent être décuplés. Si chaque joueur, des fois, arrête un peu... Je vois Patrice Bernier. Quand cette phrase-là, elle existe, pour une raison, je vois juste Patrice Bernier prendre le ballon, lever sa tête, arrêter 2 secondes, puis ensuite faire une bonne passe. Mm-hmm. Des fois, c'est aussi simple que ça, non? On aimerait que ce soit aussi simple que ça. Par contre, il faut encore que le joueur soit capable de le faire. Parce que je remarque dans plusieurs contextes d'entraînement, on fait des drills, on fait des jeux, puis tout ce qu'on leur demande, c'est « gagne tous tes ballons, va plus vite que l'autre, essaie de dépasser ton autre, etc. » Sauf que pendant que c'est comme ça, on leur demande pas pourquoi. Et donc, il y a beaucoup de contextes où ce n'est que de la course. Ce n'est, tu sais, mettons, un 10 ans. Tu mets un ballon dans les mains d'un jeune de 10 ans, pour lui, il ne va pas se poser de pourquoi. Il va s'amuser, il va s'éclater, etc. Il va juste faire de plus en plus vite, de mieux en mieux, raffiner sa touche de balle, son crochet, ses tricks que vu Ronaldinho, mettons. Mais il va toujours aller plus vite, jusqu'à ce que finalement on le confronte au pourquoi. Pourquoi? Alors là, opa, il y a une mise, un questionnement finalement que lui il doit résoudre. Puis là, il va commencer à se déstabiliser. Et quand on arrive, quand on reproduit ce questionnement-là à travers le temps, à travers, disons, à partir de 9 ans, il y a déjà des pourquoi dans certaines cultures. 9, 10, 11, c'est arrivé à 18 ans, là, beaucoup plus complexe. 23 ans, tu essaies d'être performant, mettons, en USL ou en MLS. Et après ça, tu arrives à 30 ans, et là, tu t'appelles Pirlo, et tu trouves des trucs dans le jeu que personne ne trouve. Ouais. Mais c'est par une habitude, et je te dirais, par une culture. Donc, c'est super ce qui arrive à Montréal en ce moment. Je vais en profiter un petit peu pour faire souligner un peu l'élan de la culture du foot à Montréal. C'est qu'elle n'est pas seulement par le souci du paraître ou essayer d'importer quelque chose qui vient d'Europe au niveau du « look » entre guillemets du foot. C'est qu'elle, ce look-là ou cette façon d'être-là, elle transmet aussi ce questionnement. Donc, quand tu vois, par exemple, un hoodie ou quand tu vois, par exemple, une pièce de vêtement qui est portée en Europe, elle est portée en Europe, pourquoi? Parce que ce sont des gens de foot. Et ces gens de foot-là en Europe se posent des questions. Et quelles questions c'est? Ce sont ces questions-là. Quand tu débats avec un de tes copains en Europe, je t'ai mis 5 buts, je t'ai mis 4 buts, je t'ai défendu, je t'ai mis un petit pont, etc. Il y a beaucoup de la performance, mais il y a beaucoup du pourquoi aussi. Il y a l'art, l'espèce d'art qu'on n'arrive pas à qualifier en mots, mais cet art-là, il est dans le questionnement. Alors, à ce moment-là, j'ai senti que je pouvais aller vers l'avant, j'ai remarqué que toi, tu te déplaçais, je t'ai mis le petit pont, je t'avais marqué un but. Et finalement, évidemment, les Européens, ils se pètent les Bretons un peu. Ouais, ben, c'est beau quand ça arrive, mais il y a un questionnement derrière. Ça m'apporte à porter un peu ça vers nous, vers Montréal, Québec, Canada, un peu l'Amérique du Nord, un peu, c'est quasiment le même environnement. Qu'est-ce qui fait qu'on a... Est-ce que c'est les autres sports qui influencent un peu comment qu'on voit ça? Si on regarde un jeune Brésilien, okay, il n'a pas peur d'être le show-off. Ou il n'a pas peur de... Show-off, c'est... J'aime pas l'expression parce que c'est négatif un peu. Il y a une mauvaise connotation. Dans le fond, à cause qu'on veut bien tout le monde, okay, un peu, je pense que dans le sport, c'est un peu le reflet de la société. On veut que tout le monde soit bien. Fait qu'on priorise la masse au lieu de l'individu. Mm-hmm. Donc, si on a un individu qui fait mal paraître la masse, on va prendre le côté de la masse et on va dire à l'individu de se calmer un peu. Mm-hmm. En termes football, si on a un individu qui est extrêmement meilleur que tout le monde, puis comme tu parles, il fait des ponts à tout le monde, puis il humilie sportivement un peu les joueurs, qui est correct. Il faut avoir cette vulnérabilité-là en tant que joueur, d'accepter qu'il y a des joueurs meilleurs que nous, mm-hmm. puis de savoir, puis que ça nous pousse plus fort à l'entraînement. Est-ce que c'est un peu cette collectivité qu'on pense trop à tout le monde pour se concentrer un peu sur les qualités de l'individu, du joueur? Il y a quelque chose, je crois, dans le... je dirais, le contexte formel d'entraînement qui reflète un peu ce que tu viens de dire OK, ben le dribbleur, entre guillemets, calme-toi un petit peu, il faut faire des passes. Par contre, il y a de plus en plus d'entraîneurs actuellement, comme par exemple Grande à l'Étoile de l'Est. C'est toi, l'Olympique de Montréal. Exactement, c'est ça. J'en ai entendu d'autres aussi dans plusieurs entrevues. J'ai pas les noms, je l'ai sur le bout de la lèvre, mais qui, justement, sont en train de casser cette espèce de moule-là que tu viens de décrire. Le fait que si tu as un joueur qui dribble pendant plusieurs années, il faut qu'il raffine sa touche, laisse-le dribbler. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de passe qu'il n'est pas en train de jouer. Il va probablement, à un moment donné, par le jeu, parce qu'on en parlait tantôt, le jeu en soi va amener le jeune à se poser des questions, qu'il ne peut pas dribbler, il n'a plus cette capacité-là dans ce jeu-là. Il va falloir qu'il se pose cette question-là. Si je ne peux plus faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Arrêter, penser, probablement revenir en arrière, passer en arrière, ou probablement arrêter de percuter le mur, foncer dans le mur, comme j'appelle souvent, c'est-à-dire que tu as la balle, tu vois le mur défensif, mais arrête d'avancer vers le mur. Arrête, essaie de voir tes options, fais-les monter, fais la défense monter vers toi, se compromettre, et probablement que là, tu vas avoir une réponse. Mais on n'enseigne jamais aux jeunes joueurs qui dribblent à faire ça. Donc forcément, on est comme pris dans un cercle, parce qu'on lui dit « fais des passes », mais lui, ça détruit son jeu. Mais en même temps, on lui demande pas pourquoi est-ce qu'il continue à dribbler ou dans quel contexte c'est bon de continuer à dribbler. Et non seulement on ne pose pas ces questions-là, mais on est dans un entraînement qui serait fait de jeu conditionné. On ne le met jamais dans les situations compatibles pour qu'il casse un peu cette habitude-là de juste dribbler. Alors forcément, lui, il va dire ben, « j'ai tout le temps la possibilité de dribbler, je vais continuer à dribbler ». Alors que si on le mettait dans d'autres conditions, dans d'autres jeux où il va être obligé de détecter qu'il ne peut plus dribbler, il va probablement choisir de passer. Il va avoir un questionnement intérieur qui va lui dire ben, « je ne peux plus dribbler, donc forcément, je dois faire quelque chose d'autre ». S'il ne découvre pas ça après 5 pertes de balles, probablement que son entraîneur va lui dire. Parlons un peu de game shaping. L'idée qui est venue au projet, donc ça vient du vouloir de communiquer des connaissances? Je dirais plus que ça. Je vais essayer de l'expliquer avec ce que probablement la majorité des entraîneurs ici au Québec connaissent. Alors, il y a dans la Fédération de soccer du Québec ce qu'on appelle le diplôme d'entraîneur provincial, le fameux DEP, que j'ai essayé de passer en 2013. La grande surprise, je ne l'ai pas passé. Je l'ai échoué. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment chicoté au moment où je l'ai expérimenté, j'ai suivi cette formation-là. C'est qu'il y avait effectivement deux composantes qui était enseigné par les formateurs de la FSQ, c'était le contenant et le contenu. Qu'est-ce qu'on veut dire par contenant et contenu? C'est un petit peu ce dont on parle. Le contenu, c'est qu'est-ce qu'on veut développer? Est-ce que c'est la passe? Est-ce que c'est le dribble? Est-ce que c'est le fait de repérer une entre-ligne, un demi-espace, comme on appelle, mettons, en jargon de foot? Et tu as le contenant, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est dans quel contexte est-ce qu'on va développer cette action-là? Dans quel contexte est-ce qu'on va mettre le joueur pour qu'il, effectivement, repère qu'il y a un demi-espace? Par contre, effectivement, dans cette formation-là, on parle énormément de ce qu'on doit dire au joueur. Par contre, on nous dit que le contexte est important, sauf qu'on ne nous dit rien sur ce contexte-là. Il y a absolument, dans le DP, du moins que j'ai suivi, pour être prudent, il n'y a aucune mise en garde, conseil, il n'y a aucun contenu qui a été fait sur le contenant. C'est un petit peu ambigu. Il n'y a aucune notion qui a été transmise pour parler du contenant. Donc, on a toujours dit qu'est-ce qu'il fallait dire aux joueurs. Ça, c'était super complet, bravo. Par contre, on n'a jamais parlé du contenant. Alors, si tu veux, le game shaping, c'est revirer le DEP à l'envers. C'est de dire, au lieu de partir, de mettre de l'emphase sur ce qu'il faut dire aux joueurs, puis c'est quoi les thèmes, c'est quoi l'appel contre appel, par exemple, c'était le thème que j'avais, revirer ça de bord, de dire, OK, ben nous, ce qu'on veut, c'est libérer le joueur pour qu'il reçoive une passe, alors qu'il est collé par un adversaire. Dans quel contexte tu vas le mettre pour pouvoir faire en sorte d'entraîner ça et que ça soit représentatif au jeu? OK, si je comprends bien, tu identifies la qualité ou l'instinct que tu veux développer d'un joueur et tu bâtis soit un exercice, soit une pratique, soit une manière de jouer pour avoir comme résultat ce que tu as identifié qui était le but de ton exercice. Exactement. Pour reprendre exactement ce que tu as dit en d'autres mots, ce qu'on cherche à faire, c'est développer quelque chose chez un joueur. Une action, Ça peut être une action technique ou ça peut être une action tactique. On cherche à développer quelque chose chez le joueur. Dans quel contexte, en premier, la première question, c'est dans quel contexte on va le mettre pour qu'il sache à quoi cette action va servir. C'est pas seulement faire un drill, répète-moi ça 100 fois. C'est-à-dire, on va chercher à développer un appel contre appel. La première chose qu'on se doit se poser comme question, c'est dans quelle situation de jeu ça va se produire. Et donc, on essaie de mouler un peu, d'organiser ce jeu-là pour que le joueur doive exécuter ça. S'il exécute mal, c'est encore mieux pour nous parce que ça nous donne un contenu à coacher, ça nous donne un contenu à entraîner. Par contre, si on ne fait que drill, probablement que la première question qui va survenir, c'est que, oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il ne sait pas, ce n'est pas significatif pour le joueur. C'est hors de contexte. Donc moi, ce que j'entends quand on dit que ce n'est pas significatif pour le joueur, donc il n'y a pas 100% de ton attention qui est dédiée au drill ou à l'exercice qu'il produit. Il est un peu distrait ou parce qu'il ne voit pas le résultat au bout. Mais si le joueur est conscient de qu'est-ce que cette répétition peut lui apporter, il va avoir une implication qui va être plus complète. Tout à fait, exactement. Je pense que le fait d'être distrait est le résultat final, parce qu'il va décrocher. Donc son attention, si pour lui, c'est pas significatif, c'est pas intéressant, il va décrocher, il va dire ben, ça me tente pas de faire ça, entre guillemets. C'est ça qui va se passer dans sa tête. Par contre, si on le met tout de suite devant le problème, il faut qu'il règle. On lui dit tu dois gagner un espace au moment où un adversaire, je veux dire, au moment où ton collègue a la balle, ton coéquipier a la balle, toi, tu dois te défaire de ton adversaire pour recevoir la balle. Mais ton adversaire, il te colle. Comment tu vas faire? Alors évidemment, bon, là, il va se creuser la tête, il va échouer 2-3 fois, il va peut-être se frustrer parce qu'il trouve pas la réponse. Et à un moment donné, là, c'est là que tu dis, ben, tu pourrais, par exemple, faire un appel contre appel. Et l'appel contre appel se fait de telle manière. Par contre, on est parti de la situation existante. On n'est pas parti d'un drill pour qu'il le fasse alors qu'il ne sait pas à quoi ça sert pour après ça essayer de le faire dans le jeu. On est parti du jeu, puis après ça le décortiquer puis essayer de le faire de mieux en mieux techniquement. Et en même temps, vous l'apportez au joueur la pensée. Vous y apportez aussi le... C'était les mathématiques, on dirait qu'on lui a montré comment on s'est rendu au problème. On met toute la démarche, mais en même temps, on lui donne la démarche psychologique, comment arriver à trouver la solution au problème. Lorsqu'on lui expose le problème et on lui apporte quelques pistes de solution, il trouve la bonne de lui-même aussi. Ça importe une... Non, c'est fascinant ce que vous faites. C'est bien. Je vais essayer d'expliquer ou de reprendre une idée qui était absolument incroyable. Pendant que je faisais mes études au Brésil, il y avait un professeur qui est venu dans notre formation qui était un professeur portugais. Donc, c'est pour ceux qui connaissent un peu les noms, Victor Frade, c'est lui qu'on appelle le père de la périodisation tactique, qui est toute une grande méthodologie pour équilibrer les charges de travail, mais sous forme de jeu à travers la semaine pour que finalement tu as un match dimanche, tu as tout ton entraînement semaine. Tout le monde a eu le même temps d'entraînement ou au moins le même bénéfice. Disons, l'entraînement optimisé par rapport aux besoins individuels. Donc, toute l'équipe s'entraîne ensemble, sauf qu'on sait que ton allié droit doit courir beaucoup, donc tu vas avoir un entraînement spécifique, mais dans le jeu. Alors, finalement, c'est très, très complexe. Alors, finalement, Victor Frade a eu un apprenti, si tu veux, et cet apprenti-là est venu nous enseigner au Brésil. Il s'appelait José Guilherme Oliveira. Et lui, il est arrivé... Et il a expliqué c'était quoi la périodisation tactique à peu près, je sais pas, on devait être 400 étudiants brésiliens dans un gros auditorium. Il a entamé son exposé avec une explication qui était phénoménale. Il a dit, le foot, c'est comme un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'un gâteau au chocolat? C'est une liaison de 4 ingrédients. Si on fait un gâteau au chocolat très très simple, du chocolat, de la farine, des œufs, du lait. Par contre, quand tu joues au foot, tu joues le jeu. Et donc, quand tu manges un gâteau au chocolat, tu ne manges pas que le chocolat. Tu manges les 4 ingrédients. Alors, quand tu manges le gâteau au chocolat, il y a de tout, peu importe la tranche que tu vas couper. Et donc, si tu coupes la moitié du gâteau au chocolat, probablement, tu vas avoir la moitié de la complexité, mais tout ensemble global du jeu. Donc, ça reviendrait finalement à faire, si on veut une image très, très rapide, à une opposition sur demi-terrain. Par contre, si tu coupes une petite tranche, mais tu vas avoir l'ensemble du jeu, mais tu vas avoir les 4 ingrédients dans cette tranche-là. Donc, tu vas avoir une petite, plus petite complexité, mais l'ensemble du jeu quand même. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est finalement à Game Shaping, il y aurait deux objectifs subséquents, si tu veux. Le premier, c'est tout simplement de sensibiliser ici au Québec que si on est en retard par rapport au développement mondial, et là, je ne parle pas, je ne vise aucune institution parce qu'évidemment, on pourrait dire, ouais, ben là, les petits clubs sont plus en retard. Oh, le but, ce n'est pas de pointer le doigt. C'est, exactement. C'est donner une tape dans le dos plus que de pointer le doigt. Right? Tout à fait, tout à fait. Outiller, ce que j'appelle outiller, finalement. Outiller les gens. Donc, FSQ, Impact font un énorme travail avec des jeunes. Par contre, des gens qui, bon, on aimerait aider pour faire le soccer, ben, ces gens-là vont forcément pas tout le temps exposés aux idées européennes ou à ces idées-là de gâteau au chocolat, par exemple. Mm-hmm. Alors, ce qu'on veut, c'est de sensibiliser le fait que le jeu, ce n'est pas un bonbon, comme tu disais tantôt, qu'il faut jouer pour apprendre à jouer. Et finalement, le deuxième objectif, c'est de donner tous les outils pour être capable de moudre, de shaper, d'où le fait game shaping, de former un peu le jeu, d'organiser par des contraintes pour que les jeunes en arrivent à apprendre. Par contre, c'est un défi considérable pour l'entraîneur parce que c'est d'une complexité altissime. C'est vraiment très, très haut comme complexité. D'abord, les entraîneurs ne sont pas équipés encore à 100%. Si... Dans le fond, ce que ça revient à dire, c'est tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est aux entraîneurs, c'est pas aux joueurs. Dans le fond, faudrait mettre quelques barèmes, avoir un parent d'un enfant qui coach son équipe parce qu'il est capable, parce qu'il y a la possibilité, mais qu'il n'a pas forcément les compétences. On a toujours dit « Ah oui, oui, il faut faire son mieux, tout. » Pour le bien du jeu, à un moment donné, il faudrait dire non. C'est un énorme défi. Le problème, c'est qu'on n'a pas des tonnes de gens qui vont vouloir s'impliquer au Québec. Alors, j'aimerais mieux rencontrer ce parent-là puis de lui donner, même si ce n'est qu'un brin ou une miette de ce gâteau au chocolat, j'aimerais mieux le faire là plutôt que de lui dire « S'il vous plaît, ne fais pas ce que tu fais. » Non, okay, parce qu'au au contraire, on en a besoin. On va prendre le parent, mais on va lui montrer au moins comment pas trop nuire. Oui, bah c'est un angle, ou sinon d'outiller sa réflexion, je te dirais. C'est complexe parce que ça demande beaucoup de réflexion. Et donc, évidemment, on se met dans la peau d'un salarié qui arrive du travail, qui doit aller coacher sa fille de 8, il pleut, il fait froid. Forcément, c'est pas l'envie totale parce qu'on est fatigué de notre journée. Par contre, si on a des pistes de réflexion, ça peut peut-être éviter qu'on tombe trop facilement dans le drill. Il y a plusieurs de mes coachs au Brésil qui disaient « Le bon entraîneur n'a pas besoin de catalogue de drill. Il va regarder le jeu, il va se faire une idée, puis il va décider. » Et donc, c'est ça que j'aimerais qu'on ait peut-être 200 000 joueurs. Alors, admettons qu'on ait 50 000 impliqués, parents, coachs, etc. Que ces coachs-là laissent les catalogues de drill qui viennent des États-Unis ou de la Chine, peu importe, qu'ils les laissent de côté, qu'ils regardent le jeu, qu'ils disent « Comment est-ce que je peux faire ?» pour aider ma petite fille de 8 ans, mon petit gars de 10 ans, mon fils de 12 ans, le cousin de ma fille, peu importe, en regardant le jeu, qu'est-ce que je peux lui dire? De un, qu'il soit significatif pour le jeune. De deux, qu'il soit représentatif du jeu. C'est-à-dire, évidemment, on ne veut pas les former à être Pirlo demain matin. On joue dans le U12 D1. Alors forcément, il faudrait que ce soit proportionnel. Ouais. Les attentes, il faut que ce soit proportionnel à ce que le joueur est rendu. Ouais, exactement. Absolument. Mais sortir aussi d'un moule, un moule qui est très, je te dirais, la notion de système versus... Quand on fait référence à la tactique, souvent, on peut imaginer le trio offensif au hockey. Quand on dit trio offensif au hockey, probablement que tu as la même... je le dis, ces mots-là en ce moment, et probablement que tous nos auditeurs ont la même image. C'est-à-dire une pointe, hein, deux... C'est un attaquant plus proche du but adverse, puis deux sur les côtés en forme de triangle. Bon. Et quand on dit ça, évidemment, on parle de système tactique. La tactique n'est pas qu'un système. Quand on parle de 4-4-2, 4-3-3, etc., il y a de plus en plus de coachs qui me disent qu'eux, ils s'en foutent carrément. Ils ne veulent pas parler de système. Une position de départ, là, c'est pas seulement une manière de réagir, non? Aucunement. C'est de sortir un petit peu de ce moule-là, du réflexe d'imaginer un système. Même un milieu, puis un attaquant. Le nombre de fois qu'on voit un joueur formé comme milieu jouer en attaquant et avoir du succès, ou un attaquant formé en attaquant avec les qualités qu'on attend d'un attaquant, donc une définition, un contrôle de ballon, une prise de décision rapide près du but, mais jouer comme milieu attaquant et créer des chances parce qu'il comprend à quel point... Est-ce qu'on est trop un peu pris dans nos habitudes de dire que toi, t'es défenseur, toi, t'es milieu, toi, t'es attaquant, OK, toi, t'es gardien... Puis on change pas, puis ça reste comme ça. Puis Même une position, c'est quoi? C'est un amalgame de qualités qu'on définit en tant que telle position. Je pense qu'on se met trop d'étiquettes sur ce qu'on fait. Énormément. T'as super bien résumé l'affaire. C'est qu'effectivement, pour nous, comme on dit, le nom, on est capable de le voir sur un carré qui est vide, puis on le met, boum, le point est apparaît là, on le voit dans notre tête, et donc c'est plus facile. Il faut sortir de cette facilité-là pour être capable d'embrasser, si tu veux, la complexité du jeu. Prends par exemple Sergi Roberto, qui a été formé au Barça. C'est lui qui est dit comme étant le joueur le mieux formé en termes de compétences variables au club, parce que dans sa formation, il a occupé tous les postes. Et donc là, maintenant, on sait qu'on le met latéral. Je parlerai pas de ses... je jugerai pas ses performances. Par contre... Non, mais il y a les qualités aussi. La connaissance et les capacités. Exactement. Ben, en fait, il a été forgé à tous les postes. Donc, il a pu se forger plusieurs idées de jeu, plusieurs habiletés, plusieurs réflexes, plusieurs instincts, comme tu as dit. Si on met tout ça dans un même gâteau au chocolat, ben, ça fait que finalement, il est très, très bon, son gâteau au chocolat. Parce qu'il est plein. Il veut prendre n'importe quelle pointe. Il sait que ça va être super bon, succulent. T'sais. Fait qu'il y a plusieurs objectifs. De un, c'est d'essayer de sortir de ce moule-là, de système tactique, de plus parler du jeu en soi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi les tendances? De deux, d'essayer d'être significatif pour le joueur. Alors, quand on part dans les... J'appelle ça les conférences ou des doctorats, parce que les coachs, ils partent sur des super grandes discussions ou des grandes explications, sauf qu'il y a rien qui rentre dans la tête du joueur parce que c'est pas significatif pour lui. Et là, finalement, le troisième critère, je te dirais, c'est représentatif. Il faut que ce soit représentatif de ce que le jeu exige au niveau où le joueur joue. Si c'est un 12-2A, on va pas lui demander de faire un piston, un triangle, une rotation, un appel contre appel. Non. Qu'est-ce qui est significatif? Essayer d'avoir un angle pour recevoir une passe, essayer loin de son adversaire, essayer d'être large sur les ailes. Finalement, ça revient à ça. Et quand la personne va recevoir ça, le jeune va recevoir ça, ça fait plein de sens. Il va être capable, dans l'action, de le mettre en application. C'est ce qu'on cherche un peu. Par contre, pour en arriver là, il faut outiller les entraîneurs pour qu'ils aillent très, très loin dans la réflexion et reculer jusqu'à la même étape où est-ce qu'ils en étaient pour parler simplement aux joueurs. Et ça, c'est un travail qui... Des années. Wow. Donc, pour un entraîneur, donc si quelqu'un nous écoute qui est un entraîneur, mettons on a un de nos auditeurs, on a plusieurs de nos auditeurs que je sais qui sont entraîneurs de leur équipe, entraîneurs de l'équipe de leur jeune ou entraîneurs point, par où commencer? Mettons, ils s'intéressent à Game Shaping, comment ils peuvent te contacter Game Shaping pour en savoir plus? Oui, moi je te conseille d'aller sur notre site qui est gameshaping.info. Normalement, en fonction de votre ordinateur, vous devriez être redirigé vers la page anglaise ou française qui est disponible pour l'instant. Et un petit peu plus bas dans la page, on a sorti 4 ressources. Et c'est un petit peu notre grand lancement. On est très, très fiers. Donc, avec Gianni à Passion Soccer, on s'est mis en équipe et on a dit comment est-ce qu'on peut faire pour laisser donner à la communauté de soccer pratiquante ici à Montréal, au Québec, 4 outils qui sont super faciles. Donc, premier outil, ce sont des posts Instagram qui sont faits en anglais par mois, à peu près à chaque jour, où je prends des idées qui viennent un peu du Brésil, du Portugal. Je les mets en anglais, puis j'essaie de pister une réflexion. J'essaie de dire, OK, ben, avec ce statement-là qui fait à peu près une phrase, comment est-ce qu'on peut voir ça à travers le jeu? Ça devrait être super simple. Donc, c'est ce que je souhaite à nos gens. Après, ce que j'ai fait, c'est que dans mon programme de... maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval que j'ai commencé en 2015, j'ai fait une revue de littérature de 60 articles scientifiques sur la tactique, la cognition, plein de choses. Donc j'ai remis ces 60 articles-là en 40 pages que j'ai écrit avec Simon D'Andrade. Un gros merci pour l'aide, parce qu'on a vraiment essayé de remâcher le contenu pour que ce soit très très facile. 15 articles écrits en deux fois, écrit par moi, puis une autre version vulgarisée de ma vulgarisation par Simon. Donc, ça donne 15 articles extrêmement riches. C'est un e-book gratuit qui est disponible sur mon site. Après, il y a des vidéos qu'on, évidemment, on va faire avec certains entraîneurs. On a eu le plaisir de travailler avec l'AS Blainville, avec le CS Longueuil. Salutations. L'AS Blainville, où avant, a été nommé le FC Boisbriand. Et si tu regardes sur le mur devant toi, tu peux voir que quand j'étais jeune, ben, c'est là que je jouais. C'est là que tu jouais. Waouh, ça, c'est épique. Hein? On reconnaît même le jeu. Ouais. Le but, d'ailleurs, c'est ça, sur la 1640. Exactement. Côté Rive-Nord. Donc, directeur technique avec leur staff qui est extrêmement qualifié, qui avait une idée qui était très similaire à la mienne et puis qui ont dit comment est-ce qu'on peut faire pour montrer finalement que ces idées-là, c'est pas du chinois. On le fait ailleurs, on le fait au Brésil, il y en a qui se posent des questions, on le fait au Portugal, on le fait en France, un peu partout, puis on est capable de le faire ici, il faut juste avoir les outils. Finalement, donc les vidéos devraient aider à faire ça. Et puis finalement, on a un dernier outil qui s'appelle un Canva, Canvas en anglais, Canva, et qui finalement, c'est une espèce de grille qui est l'équivalent de ce qui serait utilisé, par exemple, quand je suis allé faire mon stage au Benfica. Tu as des grilles où les coachs remplissent l'information dans ces grilles-là à la main, dessinent des trucs, donnent leurs points de coaching, les points d'observation, et donc tout est sur papier, ce qui leur permet de garder une espèce d'archive. Si une archive, un suivi ou une feuille de route aussi pour comprendre ce qui a été dit, pour voir où ce que ça peut aller avec le joueur. Le joueur peut consulter ça aussi, j'imagine, ça donne... Ou le joueur devrait avoir sa propre feuille de route. Hein, quand il pense, le joueur devrait garder un certain contrôle, ou je dirais un track, mais au moins savoir les compétences qui lui ont été montrées. Il faut savoir... Souvent, je me rappelle les pratiques que j'avais avec mon équipe. On pratique quelque chose, puis ça se traduit pas dans le temps, mm-hmm. au long terme. Mm-hmm. À part, c'est une répétition constante. Je pense que le joueur se doit... Si le joueur a une ambition, on s'entend, l'ambition du joueur doit être là. Ce joueur a 15 ans puis il veut être balou dans 3 ans, mais ça doit d'avoir une ambition puis de jouer tout le temps, mais ça doit aussi de savoir que qu'est-ce que je dois apprendre, ou ce que je suis rendu, ou ce que je dois en aller. Puis je pense que des fois, mettre crayon sur papier, même dans le sport, est utile. Oui, effectivement. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tous les jeunes chatent, hein, évidemment, fait qu'ils peuvent, ils peuvent en discuter. Je pense que l'essentiel... pour un joueur, c'est plus de se poser des questions et de poser des questions en général. Et au fur et à mesure, ils font faire ça. Je pense qu'ils arrivent déjà à un bon bout de chemin. S'ils ont confiance à l'écrire, que ça va les mener à quelque chose, c'est bien. Mais je pense qu'encore là, je redirigerai la responsabilité envers les coachs pour qu'au fil de la session, tout ce qu'ils essaient d'enseigner, les questions qu'ils posent, les situations dans lesquelles ils mettent les joueurs, ça a une continuité, ça a une logique. Mais c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que ce qu'on veut, nous, c'est outiller, que la feuille de route les serve, que les principes qu'on met dans nos posts Instagram puis dans notre e-book, ça serve aussi. Puis dans les vidéos aussi, que ça donne des idées, que ça inspire les gens. Un joueur qui écrit, personnellement, je crois que ça va être très, très peu de contenu. Ça va plus être des mots très, très importants. Et une fois que tu... ici, il y a souvent cette espèce d'approche-là psychologique où tu mets ton objectif, quand tu te couches sur le lit, au plafond, tu mets ton objectif. C'est à peu près la même chose, finalement. Il faut que ça soit significatif, mais très, très simple. Parce qu'au moment de la prise de décision, qu'est-ce qui importe? 2-3 informations, gros max, mais les keywords, les mots-clés, que ce soit très, très clair, il faut que ce soit redondant, que ce soit... insistant. Donc, si je veux efficacité, ça devrait être ce qui est écrit en haut de mon lit le soir pour m'empêcher de dire, OK, comment est-ce que je pourrais aller là plutôt que de faire 4 ou 5 touches de balle puis me compliquer la vie? Comment est-ce que je peux faire pour anticiper l'action, me mettre dans les bonnes conditions pour recevoir la balle, savoir où regarder, j'ai 2-3 choses à regarder, boum, là, je deviens efficace. Mais ça, ce sont des questions qui se posent, des trucs qui se pratiquent, mais ça en revient encore aux entraîneurs qu'il faut qu'ils placent les joueurs dans les bonnes situations. Pour en terminant, Grégory, est-ce qu'on a encore trop peur de se tromper? Est-ce qu'on a encore peur de faire le mauvais choix? Tous les bons joueurs, donc tous les vraiment bons joueurs là, que j'ai parlé dans le monde, dans la vie, là, des Drogba à d'autres, que j'ai déjà eu la chance de... Drogba, je ne peux pas me poser cette question-là, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut être assez vulnérable. Il faut créer cette vulnérabilité d'être... Tu sais quoi? Ben, ça se peut que 4 fois sur 10, quand j'essaie de faire mon pont, mettons, pour illustrer facilement, là, ça marche pas. Mais c'est pas grave, faut continuer. Ouais. Oui, faut continuer. Il y a eu un événement qui s'appelait The Player's Brain au Centre Catalogna, un petit peu plus... Oui, Lloyd Barker, qui était à mon émission cette semaine. Ah oui? Oui, il était à Soccer Today la semaine dernière. Si vous voulez entendre Lloyd parler de Rémi Garde, vous pouvez écouter Soccer Today, disponible sur sportspodcastingnetwork.com. Mais oui, le Player's Brain. Exactement. Ben justement, pour faire suite au travail qu'il a fait, lui, il a invité plusieurs joueurs de l'Impact. Puis à un moment donné, il a invité Dwayne de Rosario. Il a invité, je pense que c'est Patrice Bernier qui en parlait. Il y en a 2 joueurs, je me souviens, qui en ont parlé. Ali Gerba. Ali Gerba et Dwayne de Rosario ont dit les 2, sans se consulter, j'espère peut-être qu'ils sont consultés, mais je pense pas, qui ont dit un attaquant doit avoir la mémoire courte. Il doit essayer. Si ça a raté, 2 secondes après, il doit avoir oublié que ça a raté, puis réessayer. Par contre, Le bémol que je dis là-dessus, c'est que si tu essayes sans te poser de questions, encore, tu ne résous rien. Donc, tu dois essayer, oui, réessayer, mais mieux. C'est comme le fameux dicton « fail more, fail better », dans le sens où tu vas continuer à essayer, probablement te coller à des échecs, sauf que si tu ne fais pas l'effort d'améliorer ton échec, ben finalement, tu vas faire la même chose. Il faut manquer, mais différemment. Manquer différemment, c'est très bien dit, exactement. Okay, manquer différemment. Et souvent, qu'est-ce que je dis, pour un petit point final, la recherche que j'ai faite à l'Université Laval, elle concernait la connaissance tactique, décrire la connaissance tactique des joueurs en formation. Et ce qu'on a découvert, effectivement, c'est que dans le moment, il y a beaucoup des conditions. Je suis dans une situation X, je reçois le ballon, c'est déjà fait, le jeu est déjà fait. Que moi, j'ai une bonne capacité à voir ou à dribbler, ça va changer très, très peu. Et dans les interviews qu'on a faites, si j'avais à refaire ma même étude, au lieu de dire qu'est-ce qui se passe dans ma méthodologie, j'utilisais ce qu'on appelle une entrevue d'explicitation. Je faisais tout simplement décrire trois joueurs, qu'est-ce qui s'est passé. Je les filmais, puis je leur montrais telle situation, puis leur dire tel moment, qu'est-ce qui s'est passé. Si j'avais à refaire ça, je leur dirais qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tu reçoives la balle. Pourquoi? Parce pour qu'ils se mettent dans les meilleures conditions. Et ça va les sensibiliser à quoi finalement? C'est que le foot, ça a été prouvé, t'as dans un match à 11, 3% du temps, t'as le ballon. C'est 97% du temps, tu n'as pas le ballon. Il faudrait comprendre comment jouer pas de ballon, hein? C'est un peu ça. C'est le point. C'est le point global, c'est exactement ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui le soccer, c'est quand j'ai le ballon. Je termine là, à l'instant, avant de quitter le pays, je termine une implication dans un programme à Saint-Adèle. C'est exactement ce que j'aurais dit à la dernière. Arrêtez de penser seulement quand vous avez le ballon. Si vous avez des questions à vous poser, concentrez-vous sur quand vous n'avez pas le ballon. Comment est-ce que je peux mettre dans les meilleures conditions? Comment est-ce que je peux faire pour attirer le jeu, suivre le jeu, expandre le jeu? Comment est-ce que je fais pour descendre, monter avec le bloc? Ce sont des questions, mais ici, on n'apprend pas ça. Et le plus grand problème que ça pose encore globalement, c'est qu'en ne se posant pas ces questions-là, qu'est-ce qui arrive sans le ballon, on n'apprend pas à s'adapter. C'est la clé. Il y a un grand chercheur qui s'appelle Kate Davids, New Zealand, Hong Kong, plein, 300 articles, et c'est un des plus fameux que j'adore écouter parler, parce qu'il dit l'apprentissage de soccer, c'est non linéaire. Alors, peu importe le chemin que tu prends, ça va tout nécessairement être différent que le chemin d'un autre. Ça va nécessairement être spécifique à tes capacités, évidemment, parce que tu joues, tu vas apprendre par rapport à ce que tu sais jouer. Par contre, il n'y a personne qui apprend à s'adapter. On apprend toutes des préparations, des drills, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'analogie entre la tâche puis le comportement. Là. On apprend tous des tâches, mais on n'apprend pas un comportement. On n'apprend pas à s'adapter. Comment est-ce que je fais pour avoir un comportement qui a une tendance puis l'adapter alors que j'ai un adversaire X qui joue haut puis un adversaire Y qui joue bas? Un adversaire X qui fait beaucoup de pression puis un adversaire Y qui, lui, attend, il fait le catenaccio? On n'apprend pas ça. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît, mais on ne se pose pas la question, c'est quoi la solution? C'est comme au Brésil, j'étais crampé à un moment donné parce que, comme je t'ai dit, c'est très, très feeling. Et le fait qu'ils ne te posent pas de questions, ça se manifeste dans ce que je vais expliquer. On jouait du soccer à 5, à 6, à 7. Puis souvent, on se collait au même problème. Moi, en étant nord-américain, je jouais là. C'est plein d'émotions. On est en feu. On n'est pas d'accord sur certains principes. Sauf que quand j'entends quelqu'un que derrière moi, mettons, moi, je devais faire la pression, le défenseur qui est en arrière de moi, qui est mon collègue, finalement, qui est mon coéquipier en arrière de moi, me dit, il y a une erreur. Donc, non seulement je ne sais pas c'est quoi l'erreur, mais je ne sais pas c'est quoi la solution. Ou plutôt l'inverse, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que je devrais faire, mais je ne sais pas c'est quoi l'erreur. On fait juste me dire, il y a une erreur. Tu ne sais pas ce qu'il veut dire, parce qu'il ne te le dit pas, puis toi, tu ne sais pas comment le corriger. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, à tous les Nord-Américains à qui j'ai conté cette anecdote-là, ça paraît, mais voyons donc, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'est-ce qu'il devrait faire? Nous, ça paraît intuitif de dire « fais ci, fais ça, va-t'en la direction tout de suite », sauf que eux autres, non. Donc, ça prouve un peu à quel point le questionnement est très, très, très différent chez les Brésiliens. Puis ça prouve aussi, selon moi, avec cette expérience-là, qu'on a tous les outils au niveau cognitif et au niveau de la culture mentale populaire, que si on est capable d'arriver à une solution directe, on est forcément capable de penser du jeu. On est forcément capable d'observer, d'être plus critique sur le jeu, puis de dire, s'il se passe ça, comment est-ce que je fais pour tweaker le jeu, puis qu'on ajuste, on modélise le jeu différemment pour en arriver à ce que nos jeunes se développent davantage. Tu pars pour l'Australie demain. Exact. Parle-nous un peu de cette aventure. J'aimerais arriver là-bas en me disant, prochain challenge, qu'est-ce que je peux faire au niveau du développement, me coller à une culture, je te dirais, qui est semblable mais différente. La structure apparemment du sport est très semblable à la nôtre, c'est-à-dire une fédération, des associations régionales ou l'équivalent des clubs. Donc un contexte qui est similaire, mais forcément une culture qui est différente parce que c'est beaucoup plus anglais, British. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça se passe là-bas. Évidemment, d'atteindre une stabilité financière, de percer en tant que coach, d'essayer d'en tirer un salaire, de voir si je peux m'installer là-bas, si ça fonctionne, pourquoi pas, et d'instaurer game shipping, de voir comment est-ce que ça réagit là-bas aussi. Ça serait vraiment amusant d'avoir Montréal, Trade Union, Sydney, d'avoir deux réalités sur lesquelles on peut travailler. Et c'est surtout aussi, je pense, la flamme du voyage. J'ai toujours bougé de toute façon. Donc, ça fait toujours plaisir de se coller à des différences, puis de voir, comme j'ai expliqué dans l'anecdote actuellement, qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter du bien ou se méfier des choses qui fonctionnent moins bien pour que Montréal soit sur une carte, pour que Make Montreal on the map. C'est exactement ce que Gianni disait. Puis c'est franchement ce sur quoi on doit travailler. Parlant de Jenny, on remercie Jenny Venturino de Passion Soccer Boutique qui donne un coup de main aussi pour tes projets. Et je trouve que Jenny nous a donné un coup de main ici aussi lorsqu'on était à Chicago. Donc on remercie beaucoup Jenny qui est un passionné. Je pense que c'est même pas le bon mot. Je pense que le soccer est une des choses les plus importantes dans la vie de Gianni et on le remercie beaucoup. Grégory, merci beaucoup. Et où est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre? Si les auditeurs veulent en savoir plus, gameshaping.info Exact. sur Twitter. Twitter, malheureusement, pas pour Game Shaping, parce que peut-être que je séparais ça en deux. Tout ce qui est site web, de toute façon, on a tous nos liens, Instagram, YouTube, tout est là-dessus, gameshaping.info. Pour des idées qui sont un peu plus personnelles, que j'essaie de lancer à droite, à gauche, Twitter, Instagram, Facebook, c'est le même, c'est @GH, comme dans Grégory Allé, petit O. Donc, GH, petit O, PETIOT. @GH, petit O, c'est un petit peu ma vitrine où j'envoie beaucoup d'idées. Grégory, merci beaucoup pour ton temps ce soir. Merci à toi l'invitation. Bon voyage. Merci beaucoup. Et à tous les auditeurs, on se retrouve plus tard au milieu de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, bon soccer. Bon soccer.